sorti pas tout yé. Premièrement, on a bobi, n'a fait souillé, y va pas yé. Y'en a l'onko ouatje, y'a sorti pas tout yé. Premièrement, on a bobi, n'a fait souillé, y va pas yé. Et tu m'as yé yé, ou n'a yé tchè tchè n'a pas. Y'en yé si t'en confié, n'a fait yé yé yé mon bon.